21 octobre à 19h30, matinée le 21 à 14h. Adulte 10$, étudiant 5$. Réservation au 418-643-9833. Je ne sais plus pour combien de temps encore. La Croche-Oreille vous est présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. Alors, salut tout le monde, bienvenue à la Croche-Oreille, édition du 15 octobre 2017. Au programme ce soir, je vous propose une rencontre avec Émilie Mouchous. Émilie, c'est la coordonnatrice d'un parcours sonore intitulé Interstice qui était présenté à Gatineau l'été dernier. C'est un projet Interstice qui regroupait 7 artistes sonores autour d'un axe de transit urbain du quartier Montcalm à Gatineau, anciennement la ville de Hull, qu'on nomme maintenant Gatineau depuis la fusion municipale de janvier début des années 2000. Alors voilà, on vient d'entendre une pièce intitulée « Tunes acousmatiques ». C'est une pièce qui date de quelques années déjà, mais tout de même intéressante, une pièce de Raphaël Néron Baribeault, qui est l'instigateur justement de ce projet dont on va parler ce soir, qui s'appelle Interstice. Alors, c'est le centre de production Diamond qui invitait au cours de l'été 2017 des artistes sonores vraiment d'un beau calibre à s'approprier le secteur Montcalm de la ville de Gatineau pour y créer, pour y installer des œuvres sonores qu'on leur a commandées. Alors, c'est dans ce contexte-là que les artistes et les codes des collectifs d'artistes comme Audiotopie, Alaska B, Adam Bassanta, Nicolas Bernier, Yann Aubin, Christophe Migon et Sonia Passorokia ont construit, inventé un parcours d'installation et de dispositifs sonores s'inspirant et reflétant aussi, on peut dire ça comme ça, la singularité du territoire urbain de Hall Gatineau. Alors, pour se mettre un peu dans l'esprit du projet, rappelons les objectifs des organisateurs qui visaient à ce moment-là de montrer comment les sonorités qui nous entourent finissent par transformer notre expérience du lieu. Alors, j'ouvre les guillemets et je cite les organisateurs. Alors, Interstice a voulu inviter les curieux à la réflexion sur notre environnement immédiat. Chaque intervention artistique a composé avec une réalité concrète d'une part et imaginaire d'autre part. Ainsi, disent-ils, feuilles de papier et ondulations du ruisseau sont devenues le mouvement conducteur des œuvres sonores, tandis que des morceaux de métal, des déchets de plastique en étaient les instruments de choix. Alors, je ferme les guillemets. Alors, pour nous présenter ce projet sonore initié par Diamond, j'ai le plaisir d'accueillir la coordonnatrice de l'événement, l'artiste Émilie Mouchous, que j'ai rencontrée à Montréal dans un café il y a quelques semaines maintenant, et avec qui on va refaire en imaginaire le parcours du projet Interstice. Alors, en guise de transition, on écoute un extrait d'une œuvre d'Émilie Mouchous qui ne faisait pas partie du parcours, mais qui va tout de même nous en parler de manière vraiment intelligente et passionnante. Alors, on écoute Émilie Mouchous. Émilie Mouchous, bienvenue à l'accroche-oreille. Bonjour. Alors, Émilie, ce projet Interstice qui était présenté chez Diamond cet été, ça démarrait en juillet, ça se terminait à la fin août, le 30 août, je crois. Ça réunissait 7 artistes. J'aimerais que tu nous parles des origines de ce projet-là, ce qui a motivé le commissaire dans ses choix artistiques. Donc, Interstice, c'est un projet de parcours sonore qui s'inscrivait entre la filature et la fonderie à Gatineau. Et l'idée a été initiée par Raphaël Néron Baribeault, qui était le directeur de Diamond à l'époque. Et l'idée générale du projet, c'était à la fois de mettre en valeur ce secteur de la ville de Hull et aussi d'offrir un peu un aperçu de la variété des pratiques en art sonore actuel au Canada. C'était vraiment un projet. Il y a un artiste de Berlin, mais tous les autres artistes sont vraiment des artistes canadiens. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui les reliait, ces artistes-là, sur le plan de l'esthétique ou sur le plan de leur pratique sonore? Pas vraiment. En fait, il y a des artistes qui étaient qui avaient beaucoup d'expérience dans le travail in situ, et d'autres qui sont des artistes médiatiques, dont c'était la première installation en extérieur. Non, vraiment. L'idée, c'était d'avoir une variété de pratiques. Donc, à part ça, et le fait que le lieu permet de relier les projets, c'est assez éclaté dans les propositions. Émilie, tu as œuvré comme coordonnatrice de ce projet. J'aimerais tout de même que tu nous donnes quelques pistes de travail concernant l'organisation d'un tel projet en milieu urbain. Ça a des impératifs assez particuliers. J'aimerais ça que tu nous en parles. Bien, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que le travail in situ, surtout quand on rajoute une composante technique, électrique et tout ça, ça demande vraiment une bonne préparation. Il y a une logistique qui est spécifique à comment on travaille en extérieur. Notamment, on peut pas ne pas ancrer l'œuvre, ne pas rendre au courant les gens qui utilisent aussi l'espace de qu'est-ce qui se passe. Et en fait, tout l'intérêt, c'est de trouver des alliés qui vont nous aider à porter le projet parce que il faut que le projet existe. Une fois qu'on s'en va puis que le projet reste pendant un mois et demi, il faut que les gens l'aiment, là, parce que sinon, la cohabitation n'est pas possible, là. Oui, tout à fait. Émilie, si on refaisait de manière imaginaire le parcours à Hall Gatineau, on débuterait par quelle œuvre? Mais je pense qu'on débuterait du côté du ruisseau de la brasserie dans l'œuvre de Christophe Mégon. Et on s'en irait, qui s'appelle Stéréophonie, qui en fait une série d'une centaine de panneaux recto-verso, où il y a l'idée de dialogue, il y a l'idée de jeu aussi avec le format du disque vinyle, qui sont des idées qui sont quand même, qui font partie du travail de Christophe Mégon depuis longtemps. Mais là, on l'a vraiment inséré dans la rue, puis c'était directement pour le contexte de Hull, puis il a travaillé en collaboration avec Simon Brown et Julie Doucette pour écrire le texte. Donc, il y avait vraiment l'idée de stéréophonie, d'écoute, de dialogue un peu, de s'appeler puis de répondre. En fait, c'était intéressant parce que physiquement, il y avait vraiment une trajectoire de comment les œuvres s'inséraient dans l'espace public. Donc, si on était dans l'œuvre de Christophe Mégon, on voyait l'œuvre de Yann Aubin, on voyait l'œuvre d'Adam Bassanta, on voyait comme dans quelle direction s'en aller. Donc, sur le ruisseau de la brasserie, on a mis une œuvre qui est l'œuvre de Yann, qui est le fondateur du label Stalpla, qui est un label allemand et des Pays-Bas qui existe depuis le début des années 80, qui est comme probablement une des étiquettes musicales en art sonore, musique expérimentale les plus importantes si on regarde dans le temps, là. Donc, c'est vraiment un honneur d'avoir quelqu'un comme Yann, là. Émilie, si tu veux, on va écouter des œuvres, une œuvre de Christophe Mégon et une œuvre de Yann. Rappelle-moi son nom de famille, Yann. Je pense que c'est Aubin. Donc, Yann Aubin. On écoute une œuvre de Christophe Mégon et de Yann Aubin. Six, ich untersuchte ihn. Sein ungewöhnliches Gewicht überraschte mich. Auf dem Buchrücken stand Hollywood und darunter Bombay. 19. Jahrhundert wahrscheinlich, bemerkte ich. Ich weiß nicht. Ich habe es nie gewusst, war die Antwort. Ich schlug das Buch aus, gerade wohl auf. Die Schrift war mir fremd. Die Seiten, die mir abgenutzt und typografisch armselig vorkamen, waren in Bibel bei mir zweisprachig gedruckt. Im Text war eng und in bibelartigen Versen unterteilt. Alors, on vient d'entendre les œuvres de Christophe Migon et de Jan Hobsbawm. Je rappelle aux auditeurs qu'il s'agit d'œuvres qui ne sont pas les œuvres présentées dans ce programme d'œuvres in situ, parce que, bon, la captation sonore était très difficile, sinon impossible, mais ça donne une idée des œuvres des artistes qui étaient au programme. Alors, Émilie, si on poursuit ce cheminement que j'ai appelé imaginaire, là, parce que l'événement est déjà passé, cet événement intitulé Interstice. Donc, une fois qu'on est rendu sur le ruisseau, et ce qui était intéressant pour l'œuvre du ruisseau de la brasserie, c'est que, ouais, comme c'était sur l'eau, on a créé un partenariat avec les gens qui venaient faire du canot sur le ruisseau pour comme venir interagir avec les œuvres. Donc, c'était vraiment ça, s'adresser à ce public-là, les gens, les usagers de canot sur le ruisseau. Donc, ça, c'était intéressant. Une fois qu'on est là, on commençait à voir la sculpture d'Adam Basanta, qui est visuellement très séduisante, mais qui filtre le son de façon magique. C'était vraiment incroyable. Puis c'est une œuvre qui est qui travaille un peu en négatif avec l'espace sonore existant, dans le sens qu'il y a besoin d'un environnement sonore pour filtrer. Donc, et il y a trois tuyaux qui sont orientés différemment et qui filtrent sur un accord, en fait. Donc, à trois fréquences différentes qui s'harmonisent. Puis, ça a fonctionné. C'était incroyable. Puis, voir les gens, comme les gens qui passent dans la rue, puis qui remarquent, puis qui s'approchent, puis qui vivent l'expérience, ça n'a pas de prix, là. C'est magnifique. Ben voilà, on vient d'entendre une pièce de Adam Bassanta qui était, soit dit en passant, à Québec l'année dernière. Non, il y a 2 ans dans le cadre du mois multi. Alors, Émilie, on poursuit encore notre parcours. Bien, rendu à l'œuvre de Adam Bassanta, on commence à entendre sérieusement l'installation d'Audiotopie. Et en fait, le mandat qu'on avait donné à Audiotopie pour le projet, c'était de relier les œuvres, toutes les œuvres du parcours, et de donner un peu une signature sonore puis une direction, un fil conducteur au parcours. Donc eux, puis c'était intéressant parce que d'habitude ils travaillent beaucoup l'idée de géolocalisation avec des dispositifs, c'est des téléphones, puis donc on écoute avec des écouteurs, puis mais ça fonctionnait pas dans le cadre d'un parcours sonore dans l'espace public. Donc ils ont vraiment innové là, par rapport à leur pratique habituelle, et ils ont conçu des objets animés par l'énergie solaire et qui étaient donc dont la vitesse de battement était dépendante de l'intensité lumineuse, en fait. Mais du coup, c'était un projet complètement nouveau pour eux, complètement physique, puis vraiment... ouais, c'est juste... La boîte est posée là, puis c'est ça, là. Et ils en ont installé entre 20 et 30 des boîtes sur les lampadaires, sur... les piquets, les poteaux électriques, des arbres. Donc, à la fois dans des lieux comme un stationnement, puis à la fois dans des lieux comme la friche à travers laquelle tout le monde passe, mais qui n'est pas officiellement un lieu de passage, là. Donc, on a beaucoup joué, surtout le parcours comme ça, à réveiller des lieux qui ne sont pas encore activés, qui sont encore des lieux de possible, puis utiliser des lieux qui sont des lieux de passage quotidien pour les gens là, à l'arrivée de la station d'autobus, par exemple. Ou, si on poursuit, Audiotopie, ensuite on avait une œuvre de... Bien, en fait, là, on était rendu à la filature, donc il y avait une œuvre dans le studio de Diamond également. C'était l'œuvre d'Alaska B, et c'était vraiment plus une installation dans l'espace de la, ben, dans un studio, mais un peu comme dans un espace de type black box, là. Et ça, c'était une œuvre qui parlait plus, qui avait un rapport plus politique, qui parlait plus de la place et où l'effacement qu'on fait de la culture queer, de la culture gay, par exemple, des gens qui sont comme, qui meurent du sida, de comment on efface cette culture-là. Et en créant un parallèle avec la culture chinoise, tant la culture spirituelle que la culture populaire. Donc, c'était une œuvre qui faisait l'utilisation de son, d'éclairage, puis d'illustration, et qui était une installation comme ça qui a aussi très bien fonctionné, là. Rappelle-moi, Émilie, le nom de l'artiste de cette installation. Le nom de l'artiste, c'est Alaska B. Et c'est quelqu'un qui vient du milieu aussi de la musique, qui est très actif dans ce milieu de musique, puis justement faire des installations comme des performances avec des costumes. C'est vraiment très recherché, très, très habité comme pratique, puis très politique, là. Émilie, dis-moi, quelle est la réaction du public? Est-ce qu'il y a un public attentif ou c'est un public qui se fait surprendre par ce qui se retrouve sur leur route? Quelle expérience tu crois que les gens ont appréciée? Bien, en fait, le jour du lancement, on a accompli le parcours avec tout le monde. Et il pleuvait, donc on avait comme plein de parapluies, puis donc c'est des grands parapluies. Les gens devaient se mettre à deux dessous. Ils se connaissaient pas forcément. Donc, en partant, ça a créé des expériences où les gens se parlaient. Et où on allait peut-être se retrouver sous un parapluie avec un des artistes du parcours. Et dès le lancement, et même dès le lendemain, voir les gens marcher dans la rue, puis lever les yeux au ciel en cherchant d'où venaient les sons, en se demandant qu'est-ce qui se passait, c'était magique. Il n'y avait rien de... Il n'y a personne qui était comme offusqué des sons. Tout le monde était comme excité. Puis une fois qu'ils identifiaient la source sonore, ils étaient encore plus curieux. Puis ils voulaient vivre les autres expériences, ils voulaient faire le parcours. Non, je pense qu'on a vraiment été très surpris puis contents de la réaction des gens. Puis aussi, l'idée du parcours, c'était de rejoindre l'exposition de Axe Neo 7 et la filature. En s'installant entre la fonderie et la filature. Donc, on a vraiment profité de ce mouvement-là de public, là. Si tu veux, Émilie, on va écouter une pièce d'Alaska B, n'est-ce pas? Merci. Oui, on écoute. Thank you. Alors, Émilie, on poursuit ce parcours avec maintenant... Ben c'est ça. Une fois qu'on est passé par Diamond, on continue à être guidé par les sons des boîtes solaires d'Audiotopie. Et là, on se retrouve devant le clocher de la vieille gare avec une installation de Nicolas Bernier qui est un petit peu une installation comme qui se réfère un peu à l'imaginaire de la science-fiction. Donc, une œuvre qui mélange la lumière, le son et les machines à fumer. Un peu la signature de Nicolas Bernier à certains égards. Ben oui, c'est un projet très ludique qui joue avec des codes que tout le monde peut comprendre, puis qui vient s'insérer dans une ancienne gare qui est en train d'être réactivée par un collectif d'artisans. Et donc, on a vraiment créé un lien avec eux parce qu'on était installés quand même dans le clocher. Et ça a vraiment fait une différence. Depuis la rue, on voyait les gens ralentir. Puis finalement, cet édifice qui est noir d'habitude, au final, c'est une œuvre qui était active la nuit. Donc ça, c'était intéressant aussi. Différentes œuvres venaient s'activer à différents moments de la journée. Et ça a vraiment complètement changé comment on percevait le clocher. Et l'installer, c'était vraiment toute une aventure. Oui, j'imagine. Si tu veux, on va écouter une œuvre de Nicolas Bernier. Thank you. Et donc là, on arrive à la Fonderie où l'exposition « Aperte de vue » qui était organisée par Axe Néo 7 se tenait. Et sur le mur de la Fonderie, on a installé l'œuvre de Sonia Passo-Rocchia, qui est arrivée avec plusieurs scies métalliques faites à la main de 15 pieds de haut et qui les a installées et motorisées sur le mur. Puis il y avait vraiment une très belle correspondance entre ce lieu qui est une ancienne fonderie puis cet artiste qui arrive avec des morceaux de métal comme fabriqués, travaillés à la main pour les installer sur une paroi de briques et de métal dans un lieu comme post-industriel. Et les sons qui sortaient de ça, c'était effarant. C'était tellement fort, tellement dynamique. Ça roulait pas tout le temps. Donc, c'est une œuvre qui fonctionnait par silence puis activation. Puis, on entendait ça, là, selon, encore une fois, le temps de la journée puis le sens du vent et tout. On entendait ça depuis l'autre bout du parcours sans savoir vraiment qu'est-ce que c'était. Donc, ça, c'était vraiment l'œuvre qui fonctionnait le mieux dans la distance puis la proximité et qui s'intégrait merveilleusement à son support, là, à son substrat, disons. Puis ça permettait aussi, on était là, puis on était juste là, on montait dans la fonderie, puis il y avait l'exposition d'aperte de vue. Donc, on a vraiment pris le parti de s'ancrer puis de travailler complètement en collaboration avec Axe Néo 7 parce qu'on pensait que c'était la meilleure façon de faire se rencontrer en fait les gens, les projets et les espaces. On va en profiter pour écouter Sonia Passo-Rocchia. Thank you. C'est Raphaël, Émilie, c'est Raphaël Néron-Baribeau qui a fait le commissariat de ce projet. Bon, comme il n'était pas disponible, j'aimerais ça que tu nous entretiennes un peu de son parcours, d'où il vient exactement. Bien, en fait, Raphaël, c'est aussi un artiste sonore. C'est quelqu'un qui vient plus du milieu de la musique électroacoustique et je pense qu'il est arrivé vers l'art sonore à cause de son intérêt pour la multiphonie et donc pour des espaces sonores plus que juste comme de la musique. Là. Donc la notion comme plus spatiale du travail sonore. Et avant le projet d'Interstice, l'année d'avant, il y a eu un gros projet dans l'espace public dans Hull pour célébrer les 30 ans de Diamond. Mais c'était un projet qui était plus un projet justement de photos et de vidéos. Donc ce projet-là, je pense, ça lui a vraiment permis d'aller vraiment comme chercher sa passion puis de faire un projet qui lui tenait vraiment à cœur. Et du coup, c'était un honneur au final de pouvoir poursuivre sa vision pour ce projet-là, parce que ben moi aussi, ça me tient à cœur l'art sonore dans l'espace public là. Oui, Émilie, pour clore cet entretien ensemble, tu es tout de même, toi-même, une artiste sonore très sensible à ce genre de projet. Et j'aimerais ça que tu nous entretiennes de tes projets là, qui sont en marche à ce moment-ci, parce que je compte bien qu'on puisse se revoir prochainement pour parler de ton travail. Mais moi, j'ai passé mon printemps et mon été à parler de parcours sonore parce que j'ai fait ma première installation en tant qu'artiste au parcours du Festival international de musique actuelle de Victoriaville, dont le commissariat a été fait par notre ami de Québec, Éric Dorion, qui est maintenant à Montréal. Je suis complètement là-dedans en ce moment. En fait, j'ai fait une œuvre solaire qui était complètement indépendante avec des circuits... fait maison, là. Donc, pour moi, ça a vraiment ouvert une immense porte, un immense monde de possibles, en plus de l'expérience que j'ai développée à Interstice sur comment poursuivre à faire des propositions en art sonore dans l'espace public qui peuvent être aussi un peu durables. Puis, on est dans un moment intéressant au Québec où il commence aussi à y avoir les premiers 1% en art sonore. Donc, moi, je suis très confiante dans ces voies-là, puis je suis très excitée de voir qu'est-ce qui va se développer dans les allées à venir, dans les pratiques sonores dans l'espace public. Émilie, de ton expérience de Victoriaville, ensuite de l'expérience de Hall Gatineau avec Interstice, qu'est-ce que deviennent ces parcours au terme de leur présentation? Bien, c'est la beauté et l'aspect un peu triste de ces projets, c'est que si on veut en faire l'expérience, il faut être là. Il faut se déplacer, il faut vivre l'expérience. Ça donne rien